En ces mondes, hélas, rien, non, rien ne nous soutient. Toujours la souffrance, l'offense, l'absence. En ces mondes, hélas, rien qui nous fasse du bien. Sois heureux quand même, espérons ces soirs. Oh, toi seul que j'aime, tant que vit l'amour. Sois heureux quand même. Hélas, tout, oui, tout est contre nous. Toujours la souffrance, l'offense, l'absence. En ces mondes, hélas, tout cherche à nous rendre fous. Que j'aime tant qu'on peut te voir. Sois heureux quand même, espérons ces soirs. Oh, toi seul que j'aime.